أشهد أن لا أشهد أن لا Vas-y, viens voir. Vas-y, viens voir, hein. Mais sois vertiga, car sous la pochette se cache un désert eagle. À l'horizon, mopé à la verticale, tu capes quoi? Un mec qui râle et son frère qui gueule. Ou de vrais kickers, conçus pour créer ce rap. Ceux qui ont su avoir les clés sont rares. Combo taf, temps et passion, sans penser qu'aux missions. Qui prétend faire du rap sans ces conditions. Kidnap opus check et nos deux voix s'élèvent. US propulse mopé vers l'au-delà céleste. Ici on se régale, puis les prods en part égale. Ils sont égarés grave, à skip le projet paraît crade. Pas de rap mais grave, et tu boom bap très gras ou très calme. Écoute la suite, ça dépend des tracks. Big up, si t'es allé jusqu'à saisir la chance, compte sur moi pour le volume 2 à l'aise, sans hésitation. Allez viens, ose un peu passer le pas de la porte. Viens ressentir le temps d'un pet, ce que le rap m'apporte. Mes nuits sont courtes et les semaines fusent. Accablant, je vais de l'avant mais mes semelles s'usent. Ah viens, viens, dans toutes les directions. Car tous les thèmes sont nos thèmes de prédilection. L'essence de tes tentations, l'essentiel est dans la sensation. On sème la graine d'un EP fumant dans ta plantation. T'étais au taf, sur la route ou bien au fond de ton canap. Maintenant on te souhaite la bienvenue et dès l'intro te passe le salam. On s'est construit en explorant le fond, donc on n'a plus peur du vide. On domine ça tout en respectant le ton. Tu vois qu'un banc de con dans un quadrillage topé. On a si peu de temps avant de se faire stopper. Tant de ponts à dropper, c'est la bande son d'un vague mirage. Merci d'écouter Mopé.